Cette intersection me propose deux façons d'aborder la chaussée principale. Si je vais tout droit, je rencontre un cédez-le-passage. Je ne suis pas obligé de m'arrêter si aucun usager ne se présente à droite ou à gauche. En revanche, en me dirigeant à gauche, je suis en présence d'un signal stop. Je serai donc tenu de marquer un temps d'arrêt, même si la chaussée abordée est entièrement libre. Réponse B et C.